Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kulten Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission 4 de la saison 4 de Kulten Geek. L'équipe cette semaine, première sur l'information inutile mais qui vous permet de vous la péter à la machine à café, c'est bien sûr Maïlys. Bonjour Maïlys. Ah, je suis réduite à une machine à café? Non, tu permets aux autres de se la péter à la machine à café. Ouais, c'est ça. Tu dis ça parce que c'est moi qui fais le café. Peut-être, c'est peut-être pour ça. Bonjour. Salut. À ses côtés, mi-homme, mi-loup, c'est bien sûr Jean-Loup. Bonjour, bonjour. J'ai pas trouvé mieux comme van. C'est pas grave, ça passe. Une autre demoiselle qui a tendance à sortir des mots trop compliqués pour être compris. Et vous avez envie alors de lui dire qu'elle parle chinois, suite à quoi elle vous répondra sans doute que c'était du japonais. C'est bien sûr Renata. Bonjour, Rémi. Shoganai. Bonjour. Yessine n'a malheureusement pas pu être avec nous, il a été appelé en urgence puisqu'il doit sauver l'Uruguay et Rouen en même temps dans une même journée, donc du coup il n'est pas là. Et enfin, on l'a déjà reçu dans une émission, c'était au Meltdown en avril dernier. Aujourd'hui elle devient notre chroniqueuse d'un jour, c'est la folle youtubeuse toulousaine Tech Kelbel. Bonjour Kelbel. Bonsoir. Mais la toute petite voix que tu as, ne sois pas timide. Ah, mais je ne suis pas timide. Bon, par contre, il faut qu'on t'avoue quelque chose, c'est que d'habitude les invités ne viennent qu'une fois. Parce qu'ils sont traumatisés, ils reviennent plus jamais. Eh ben écoute, on verra. Donc on verra si tu reviens une troisième fois ou pas. On est parti, top départ de l'heure, au programme le What the Fuck de Maïlys, l'instant nippon, le top ou flop, la minute tech de notre chroniqueuse du jour, Kelbel, le que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, et bien sûr les polémiques. Il y aura, et on va parler du bannissement Twitch, et on va parler des abonnements Uplay, Origins, Hypixel, Game Store, Steam, enfin bref, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura bien sûr le vrai ou faux. Et tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. L'émission 4 de la saison 4 de Kulten Geek, ça démarre tout de suite. Et sur l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, c'était une semaine plutôt calme, voici donc des faits inintéressants. Sur Twitter cette semaine, avec le hashtag Mardi Conseil, plein de gens ont invité des inconnus à aller s'occuper de leur cul. Une invitation étrange qui cache peut-être une organisation de partous illicite. Kulten Geek enquête toujours sur le sujet. Sur Facebook, un concurrent de Grumpy Cat, le chat mécontent, a été présenté, son petit nom, Loki. Il s'agit d'un chat qui fait la tronche, mais en mode sociopathe, avec aucun poil sur le corps. Il serait d'ailleurs à l'origine de l'incendie de Rouen. Sur Instagram, on retient deux choses cette semaine. La Paris Games Week, c'est bientôt, et la Paris Games Week, c'est fin octobre. Décidément, dès qu'il s'agit de mettre le seum au reste de la France, les Parisiens deviennent très vite grande gueule. Et enfin, si vous pensiez qu'il n'y avait que sur Facebook que les gens idéalisent leur vie, vous n'avez sans doute jamais fait un tour sur LinkedIn, où d'après un récent sondage sur toutes les personnes inscrites et actives, 99% d'entre elles seraient directeurs de quelque chose. Pour l'instant, aucune vérification n'a été menée. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec cette citation. Dans les agences web, les boss ne sont finalement que des irresponsables. Kulten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Kulten Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Je vous rappelle les règles, j'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Première affirmation, vrai ou faux, en 1998, Sony a eu l'opportunité de racheter l'intégralité du catalogue de Marvel pour 25 millions d'euros. Vrai ou faux? Du catalogue? Du catalogue. Vrai. Ne se prononce pas. Non, vrai. Vrai pour Kelbel. Allez, ouais, vrai aussi pour moi. Vrai pour toi, Renata. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, il était trop enjoué, Gigi. G-Wolf, impose-toi, ne te laisse pas faire. Ah, mais moi, j'ai déjà dit vrai. Hein. Tu as déjà dit vrai. Oui, c'est le premier qui a crié. Très bien. Eh bien, c'est vrai, effectivement. Personne n'a rien entendu. Effectivement, ils ont eu la possibilité pour 25 millions de dollars de remporter tout le catalogue Marvel. Mais ils ont décidé que c'était pas des histoires intéressantes. Du coup, ils ont juste pris Spider-Man parce qu'ils l'aimaient bien. Et puis, ils ont laissé tout le reste. Eh bien, ils sont passés à quelques millions d'un succès planétaire. C'est pas de chance, hein. Ouais, c'est abusé quand même. Et maintenant, ils tiennent Marvel, quoi. Ah ouais, enfin ils tiennent Spider-Man. Spider-Man, du coup. Ouais, mais Disney le tient. Du coup, les Avengers, du coup, voilà. Vrai ou faux, la sortie de Space Invaders, donc c'était sur les bornes d'arcade, hein, au Japon, a fait un total flop. Au début? Ouais. Ouais. Ouais. Non, moi aussi, je dirais vrai. Vrai, vrai, vrai. Et du Wolf? Bah, faux, du coup. Faux. Et bien, c'est du Wolf qui a raison. Et voilà. Non! T'attendais la fin. Et suite à ce succès, eh bien d'ailleurs, le Japon a connu une pénurie de pièces de 100 yens. Ah, c'était la pièce qui permettait de jouer, de lancer une partie sur la borne d'arcade. Vrai ou faux, la chaîne Canal+ s'appelle ainsi car à ses débuts, la chaîne voulait proposer plus que les autres chaînes. Bah non. Vrai ou faux? Faux. Faux pour Maëlys. Moi, je vais avoir l'air d'un mouton, mais je vais dire faux aussi. Faux aussi pour Canal, très bien. Tu vois, je t'ai dit, ils sont pas prêts. Moi, je dis vrai. Non, ouais, ils sont pas prêts. Vrai pour Jewel, ouais. D'accord. Ouais, je vais dire vrai, moi aussi. Vrai pour Renata. Mm. Eh bien, c'est totalement faux, en fait. C'est une erreur d'impression, puisqu'à la base, ça devait s'appeler Canal 4. Ah, putain. Mais avec une erreur d'impression, le 4 s'est transformé en plus. C'est pire. Et ils se sont dit que c'était une bonne idée, du coup. Ouais, du coup, ils ont dit, tiens, c'est pas con. Vrai ou faux, une loi interdisant aux jeunes de moins de 16 ans de jouer en ligne entre minuit et 6 heures du mat en Corée du Sud s'appelle la loi Cendrillon. Alors, je pense qu'une loi comme ça existe, ouais, mais je sais pas pour ça. Le nom. C'est vrai. Un peu. Moi, je suis d'accord pour la loi qui existe, mais alors le nom. Moi, je veux dire vrai, j'aime bien Cendrillon. Mais ça me paraît bizarre quand même dans le langage de là-bas. Hein. Alors, c'est traduit. Hein. Ah, ok. Pas... Alors, vas-y, je vais dire vrai aussi. Ouais, je vais dire vrai moi aussi. Eh bien, c'est totalement vrai, effectivement, ça s'appelle la loi de Cendrillon. Vrai ou faux, on passe à celui des réseaux sociaux. Je vous rappelle celui de la semaine dernière. Un vieil ordinateur infecté de plus de 6 virus dans les plus dangereux en informatique a été reconnecté à Internet. Vrai pour ou voir faux, ce qui allait se passer. Exactement. Allez, con. Vrai ou faux, vous avez majoritairement tous répondu vrai. Ouais. Quelle belle, tu peux encore répondre. Pour toi, c'est vrai ou pour toi, c'est faux? Ça serait totalement absurde de faire ça. Bah, ça peut être très marrant. Non, c'est horrible. Bah, j'aurais dit vrai. C'est absurde, mais je dis vrai quand même. Les gens sont bêtes. Et bien, c'est totalement faux. Ah, okay. Il n'a pas été reconnecté à Internet. Par contre, il a été vendu pour 1,2 million de dollars comme œuvre d'art. Je suis tellement déçue, ouais. Je voulais avoir le résultat. Non, bah, sinon, on n'aurait pas été dans la mouise. Donc voilà, si jamais vous avez un vieil ordinateur infecté de plusieurs virus, n'hésitez pas à le revendre. Hein. Ah, ça j'en connais. Vous deviendrez riche. Exactement. Celui de ma mère actuellement est pas mal de virus. Ou utiliser un antivirus. Bah non, sinon c'est pas une œuvre d'art. Voilà. Ah. Allez, vrai ou faux des réseaux sociaux pour cette semaine. En 2001, l'entreprise Mattel a mis sur le marché un jouet pour enfants. Il s'agit du balai Harry Potter Nimbus 2000 qui vibrait lorsque les enfants l'enfourchaient. Vrai. Vrai ou faux? Vrai pour G-Wolf. Je se marre déjà. T'es sûr que c'est pour les enfants? Moi je dirais vrai. Moi je dirais vrai aussi, mais c'est. Je pense que le marketing là, il a dû être un peu douteux. Part, là. Non, je vais dire faux, je peux pas y croire quand même, là c'est limite. Faux pour Maëlys, vrai pour G-Wolf. Ah oui, j'y crois dur comme fer. Ouais, vrai. Tout le monde dit vrai aussi. Ouais. Très bien, et tout, sauf tout le monde sauf Maëlys. La réponse arrive donc la semaine prochaine pour cette question et vous pourrez retrouver le sondage sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou bien Twitter. Et bien maintenant, je vous propose tout de suite qu'on enchaîne avec la polémique de l'équipe. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle ! D'autres que Stargate dépasse Star Wars. Non ! On bat les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult & Geek, c'est la polémique de l'équipe. La polémique de l'équipe, c'est les sujets débat de la semaine dans notre émission. Et on va parler aujourd'hui des abonnements lancés par les développeurs et studios comme Uplay, PS Now, Xbox Game Pass, c'est compliqué à dire ça, Origin ou autre, mais aussi retour sur les bannissements Twitch. Sont-ils un peu trop sévères? Le débat, ça commence tout de suite. Est-ce que vous avez un sujet de prédilection? Un combat de maison Harry Potter, apparemment. Un combat de quoi? De Poudlard. Quoi? Quand je lui ai dit Serpentard, j'ai hoché la tête, oui. Et il m'a regardé genre, je vais te tuer. Non, pas du tout. Ouais. C'est pour autre chose. On peut ne pas s'engager sur ce genre de truc, si ouais, moi je suis d'accord. Moi je suis largué là. On peut commencer par les bannissements Twitch. Bannissements Twitch, très bien. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien parce que, si vous n'avez pas remarqué, sur Internet a passé une news. Le streamer Jiraya a été ban 7 jours pour avoir, fait un Switch cam. Oui, alors qu'il était en voiture, c'est exactement, dans une voiture Tesla autonome. Mais Twitch n'a pas cherché à comprendre. Il a dit voiture, changement de caméra, ça dégage. Bah, c'est surtout que comme il tenait pas le volant, et du coup Twitch s'est dit il est fou, alors que c'est juste que c'est une autonome. Et du coup il doit mettre les mains sur le volant toutes les 15 secondes, et du coup parfois il est juste comme ça, les mains en l'air, mais c'est normal en fait, puisque la voiture fonctionne comme ça de toute façon. Mais de toute manière, apparemment, Twitch il essaye de plus en plus de striker tous les comportements qui peuvent être jugés dangereux. Ouais, mais même pas. Enfin, moi, quand j'ai cherché à apprendre un peu plus là-dessus, je suis tombée sur Delor, un streamer pareil qui a été banni, mais lui, par contre, à vie. Et en fait, c'est un ancien joueur pro de Overwatch, et il était en partie et tout sur Apex, et la partie n'allait pas vraiment comme il voulait. Du coup, apparemment, c'est quelque chose qu'il fait souvent. C'est qu'il a pris son clavier, il achète exprès des claviers genre de merde, tu vois, et il s'est frappé la tête avec. Mais apparemment, il le fait souvent, tu vois. Il a déjà cassé beaucoup de claviers comme mauvais ça parce perdant. Que non, mais voilà, tu vois. Et en fait, il a fait ça pendant qu'il était en stream. Et en fait, quelques minutes plus tard, Twitch l'a banni à vie pour automutilation. Waouh. Ah ouais. Automutilation. Voilà. Après, c'est pas plus mal de protéger les gens. Mais jusqu'à où? Parce que moi j'ai un exemple YouTube que je vous ai raconté un petit peu. Je t'ai raconté tout à l'heure YouTube. Pour, je sais pas si ça va aller dans le débat. Je raconte mon histoire ou pas? Vas-y. Allez, on est fou. J'ai remarqué sur certaines de mes vidéos, il y avait les commentaires qui avaient été totalement désactivés. Donc des vidéos sur lesquelles il y avait ma sœur Jade et des vidéos où j'étais toute seule. Donc, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Parce que attends, YouTube a sorti une nouvelle règle qui permet de désactiver automatiquement tous les commentaires sous les vidéos faites par des enfants. J'ai donc demandé confirmation à YouTube si c'était bien pour ça que mes vidéos, on leur avait désactivé les commentaires. Et c'est bien pour ça, attention, quelle belle 25 ans. Merci YouTube, voilà. Donc c'est pour dire que je peux voir les dérives de la chose, parce que là, l'algorithme pense que je suis un enfant, l'algorithme pense qu'il s'automutile, et oui, qui conduit pas mais une surtout, voiture. Quelques minutes après, en fait, vraiment, il a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, qu'il a été banni. Et du coup, forcément, il a fait appel à la décision, mais c'est pas, il saura pas avant un long moment s'il va être révoqué ou pas. Et alors, la suite, je suis pas sûre, on va dire, je laisse un peu en suspens, parce que c'est quand même un peu abusé. Il avait déjà été banni, on va dire, par le passé. Il avait perdu ses sponsors, entre guillemets, pour pour des propos sexistes apparemment qu'il aurait tenus face à sa partenaire. Et du coup, ce nouveau strike, apparemment, ça l'aurait mis dans une dépression pas possible et tout. Et il aurait été se faire aider dans un hôpital, enfin vraiment. En même temps, c'est sûr, tu sais, tu te pètes un clavier sur la tête pour faire marrer ton chat, et puis juste après, t'es ban, oui ou non, tu l'as mauvaise. À vie en plus. T'es fait mal à la tête, deux, t'es viré. Bon, ça commence à faire beaucoup là. Et puis t'as des touches incrustées sur Non, mais apparemment. Des QSD là. Bref, donc voilà, j'étais un peu sceptique en fait devant tous ces événements, mais après, j'ai rien, c'était abusé 7 jours. Tu étais une vraie ou une fausse sceptique? Ah. On va continuer du coup. Ouais. Oui, effectivement, on va continuer. Les du coup, 7 jours, c'est peut-être un peu tôt. Il y a le chat, il y a Whiff Team, si je ne me trompe pas. 7 jours de ban, c'est beaucoup quand même, je trouve. Voilà. C'est beaucoup, mais en soi, comment dire? En fait, ce qu'ils font, c'est plutôt de la prévention, parce que ils sont trop souples avec ce genre de choses, les gens vont commencer à faire n'importe quoi. C'est pour donner l'exemple, tu veux dire? Exactement. Après, est-ce qu'il a précisé que c'était une Tesla, le gars, pendant le stream? Ah oui. Je pense que tout portait là-dessus. J'imagine ouais. qu'il l'avait même mis dans le façon, titre, histoire que ça rapporte. Tout son chat aussi sait que c'est une Tesla, il n'y a pas de souci avec ça. Et est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser le téléphone dans les Tesla? Normalement, oui. Normalement, c'est possible. En fait, c'est juste que c'est le moment où il a touché son téléphone qui a été un peu dramatique, et c'est ça qui lui a valu son bannissement. Donc il a touché son téléphone pour switch sur une autre caméra, quoi. Exactement. Enfin, c'est ça. Attouchement technologique. Ouais, mais t'es pas censé utiliser ton téléphone en voiture, c'est pour ça. Technologique. Ouais, non, c'est ça, effectivement. Mais du coup, il y a un problème de bannissement, parce que en ce moment, Twitch bannit à tour de bras. Mais c'est pas qu'en ce moment. Il me semble que ça fait un an ou vraiment c'est souvent. Ouais, mais là, ouais. Et que Yacine nous en avait parlé. Ça fait un petit moment, effectivement, que Twitch cherche même plus à comprendre. Et on voit un morceau de fesse. Pouf, ça dégage. Oh, non, je t'assure qu'il y en a plein qui comment dire. on va dire, quelques femmes qui font de la ASMR et de la gym et du Just Dance. Oui. Elles n'ont pas beaucoup de vêtements sur elles et pourtant, tu ne sais pas pourquoi ça passe tranquille. Même en gaming, ça passe. Tu sais ouais, pas ouais, ouais. Elles ont chaud, mais tu leur dis meuf, rhabille-toi quoi. Décolleté, caméra plongeante, etc. Ah ouais, et ça passe. Non, mais c'est pas fait exprès. C'est l'écran qui est mal placé. Oups. Oui. Non, mais effectivement, mais il y a une cosplayeuse qui faisait justement, qui montrait en live son nouveau cosplay. C'était un cosplay de Chun-Li de Street Fighter. Hmm. Bon, en même temps, ça c'était abusif. Par contre. Elle a été tout simplement ban. Ça c'était parce ridicule. Que, voilà, ils ont jugé que c'était nudité. Et donc, du coup, le cosplay ça dégage. Après, je me rappelle aussi, je viens de le retrouver, c'est pour ça que j'y pense. Docteur Disrespect, un truc comme ça, qui a été banni aussi parce qu'il faisait un live depuis les toilettes de l'E3. Exactement. Quoi? Quoi? Ouais, il a été banni de Twitch. En ce moment, je suis aux toilettes. C'était en juin, du coup, donc ça remonte un peu, mais voilà, enfin... Il avait quand même beaucoup de followers, c'est ce vrai mec. Que donc, c'était bannissement... quoi les raisons du bannissement, là? Il a été banni de l'E3 aussi, d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, c'était un peu fort, mais quand même... Faire un live aux toilettes, c'est pas ouf. Hein. Non, c'est pas non. une bonne idée. Non mais je mentionne quoi. Enfin, c'est un fait, comme les gars autre... qui prennent des photos aux toilettes, hein. Ça arrive souvent. Ouais, mais c'est pas autorisé pas. Non plus. Mais... C'est quand même, tu rentres dans l'intimité des gens donc. C'est ça, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, Twitch ouais. qui bannit à tour de bras, donc bannissement abusif pour vous, Twitch ou pas? Il y en a certains. Certains, ouais. Je pense que... Mais en majorité ou en minorité Ah, mais on n'est pas au courant de toutes tes histoires. Non, mais justement, mais là... Moi, je dirais que c'est du 50-50. 50-50. En fait, ils essayent de mettre en place une nouvelle politique, je pense, et du coup, ils sont en train de tâtonner. Donc... Ils vont peut-être à l'extrême pour devenir doux, après. Ils sont en mode robot nazi YouTube. Non, je pense pas. Sur le strike aussi, YouTube, y va. Ah oui, oui, oui. Je pense que quand même... Il y a pas mal de cas où ils s'en fichent un peu, ils cherchent pas à comprendre parce que de toute façon, c'est pas une personne qui est ban comme ça qui va leur faire perdre quelque chose. Mais de toute manière, je pense que plus la personne elle a de followers, plus ils sont intransigeants ouais. avec elle en fait. Parce que voilà, c'est une image, c'est un message que ça transmet. Donc, bon. Sauf les plus grosses têtes. Je pense que si par exemple Ninja fait une connerie. Ninja n'est plus sur Twitch. Ninja n'est plus sur Twitch, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque où Ninja était encore même sur moi, Twitch. Même moi, je sais ça. Non, mais on sait, on en a parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était l'exemple du coup. S'il était encore sur Twitch et qu'il faisait une connerie, je pense que Twitch l'aurait quand même couvert un peu parce que c'est quand même un gros streamer. Donc. Et alors, ils veulent pas que leur image soit entachée? Ils auraient fait une punition de une heure. C'est un petit peu comme PewDiePie et YouTube. Non, il fait autre chose. PewDiePie a été dans la tourmente avec toutes les polémiques qui tournaient autour. Lui, il en sort plus des polémiques. Hein. Bah heureusement pour lui, hein, parce que. Un PewDiePie, tous les médias lui sautent dessus chaque fois qu'il dit quelque chose, donc c'est normal. C'est pour ça qu'il dit pas. Donc voilà, bannissement Twitch, on a fait un petit peu le tour du sujet. On passe au deuxième sujet rapidement, les abonnements Uplay, PS Now, Xbox Game Pass et autres, j'en passe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Personnellement, moi, ça me fait chier de payer un abonnement pour avoir accès à un catalogue de jeux, donc si ça se trouve, je ne jouerai pas la moitié. Le truc, moi, je trouve, c'est juste le choix de l'abonnement, il dépend vachement des habitudes, des conditions, des goûts et des besoins en fait du joueur par rapport à lui. Et souvent, t'as pas un catalogue qui va répondre à tous tes besoins, donc c'est extrêmement chiant de devoir payer plusieurs pour pouvoir accéder à tous les jeux que tu veux. Enfin, moi personnellement, je suis abonnée au Xbox Pass là. Il est pas cher d'ailleurs. Ouais, et c'est surtout que moi je joue pas beaucoup et je joue surtout pas aux grosses. Genre un gros truc qui sort. Ouais, les grosses licences. Du coup, pour moi, pour faire des vidéos, par exemple, c'est le top. Il y a un catalogue. Tu dis, ça a l'air marrant. Et t'en choisis un, tu vois. J'imagine devant la télé. C'est ça a l'air marrant. Et t'as fait tenter ça. Du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, j'estime que c'est pas mal pour les joueurs occasionnels comme moi, qui jouent pas vraiment, ou qui jouent juste pour faire des vidéos comme moi. Pour les vrais joueurs, c'est vrai que. Mais pour les vrais joueurs, je peux comprendre la limite de la chose. Alors après, il y a un problème, c'est que si, imaginons. Tu vois, t'as la Xbox chez toi, mais t'as aussi la Play et t'as aussi le PC. Ah oui, mais faut être riche. Oui, non, mais imaginons, voilà, sur 4 ans, t'as eu tout ça. Et t'as 2000 par mois. Et t'as 2000 par mois. Imaginons, ça va être compliqué pour prendre l'abonnement Xbox Game Pass, Uplay, PS Now et tous les autres. Mais apparemment, PS Now, si tu rajoutes ton compte Netflix, si tu rajoutes tous les abonnements comme ça, en fait, tu te retrouves avec 600€ par mois de jeux. Ah oui, de ça va vite. C'est pour ça que t'as 2000€ et que t'as un studio. Ah oui, oui, carrément. Mais apparemment, PS Now, c'est pour PS4 et PC. Enfin, j'ai pas trop compris. Xbox Game Pass aussi. Oui, Xbox Game Pass, ouais, c'est pour PC et Xbox. Et PS Now, il me semble qu'effectivement, ils ont sorti une espèce d'émulateur sur PC qui permet de jouer aux jeux sur PS4. J'avais lu justement ces trucs-là. Mais c'est toujours pareil. Ça dépend de la plateforme sur laquelle tu es, ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu aimes, si tu aimes les grosses licences ou pas, justement. Et après, maintenant, il va y avoir Google Stadia, justement, qui va arriver. Stadia. Mais d'après ce que j'ai vu, en gros, c'est juste une sorte de console, entre guillemets. Console dématérialisée. C'est tout. Genre, il faut que tu achètes les jeux comme, PS4 ou Xbox. C'est un abonnement. Oui, c'est un abonnement. T'as un abonnement, mais t'as juste quelques petits jeux gratuits et quelques réductions. Mais sûr. J'ai lu ça sur la page officielle, tu vois. T'as un petit catalogue, mais apparemment, les jeux, il faut que tu les achètes quand même individuellement. C'est un petit peu assez flou pour l'instant, leur abonnement. On sait pas exactement ce qu'ils comprennent. Il y a juste quelques jeux, et dans les premiers, il y avait Divinity 2, effectivement. Mm-hmm. Mais apparemment, non, tu vas devoir acheter les jeux séparément et tu vas avoir quelques petits trucs gratuits tous les mois. Ouais. Mais des petits trucs, vraiment. Il me semble aussi que tu peux acheter les jeux et ne pas prendre l'abonnement directement. C'est ça. Il va y avoir une offre en 2020 gratuite qui va sortir. Ouais. Du coup, tu n'es pas obligé de prendre l'abonnement. Mais tu les achètes et tu peux jouer dessus. Voilà. C'est encore assez flou, Stadia, pour l'instant. Ouais. Ils ont un peu dévoilé, mais il faut attendre un petit peu, je pense. Mais sur leur site, en fait, c'est ce qui est écrit. À voir. En tout cas, Stadia, c'est comme Shadow, et puis je pense que ça a bien marché, ça. Je pense aussi. T'es plus obligé d'avoir une excellente carte graphique pour faire. C'est ça. T'as pas besoin de quoi que ce soit. Connexion internet. Moi, par exemple, je sais que je peux pas. Moi non plus. Merci, Frick. C'est ça. Merci la campagne. Aussi. Mais même en ville, ça merde des fois. Je suis en pleine ville, mais non. Ouais. Allez, me dis pas ça. J'ai envie de déménager. Je vais déménager. T'as une idée comment. Moi, je suis Paul Sage. Je te donnerai les coins, t'inquiète. Moi, je suis à Paul Sage. Je peux pas voir la fibre. C'est terrible. Et voilà. Il y a des quartiers de Toulouse encore. J'ai même pas la DSL. Et encore, oh merde. Ça, sérieux. J'ai une ADSL qui court doucement. elle est fatiguée. Pour YouTube, ça va être bien. On a une petite pensée pour tous ceux qui n'ont pas la fibre ou alors dont leur fibre merdouille. Voilà, une petite pensée pour vous. Bon, la polémique, ça s'arrête ici. Bien sûr, vous pouvez continuer d'en débattre dans le chat et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Heartbreak qui nous dit coucou et qui vient de nous rejoindre sur le chat. Et puis bien sûr, tout de suite, on fait une pause en musique juste avant de retrouver les coups de cœur du web de l'équipe, l'actu web avec G-Wolf, le qu'est-ce que c'est et bien sûr la chronique tech, la minute tech avec Kelbel. En attendant, la première musique, c'est Smile de DJ Quads. C'était Smile de DJ Quads dans Culten Geek et on passe tout de suite bien sûr au coup de cœur du web. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Culten Geek. Les coups de cœur du web dans Culten Geek, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine? On regarde ça tout de suite avec toi Renata. Ah, tu commences par moi encore une fois ? Bien sûr. Bah attends, parce que mon cul de cœur il est derrière. T'as dit encore une fois ou pour une fois ? Encore une fois. Parce que la semaine dernière j'avais commencé aussi, je me rappelle. Oui, tu commences. Alors. Je prends mon petit cahier parce qu'il y a pas mal d'informations. Moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est un truc dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. Bon, j'ai pas réussi à le placer sur Insta, du coup voilà. C'est les étudiants en droit qui ont organisé hier, du coup vendredi 4 octobre, le procès de Jon Snow. Donc à l'université Lyon 3, oui. Voilà, je l'ai raconté rapidement. Et du coup cet événement, ils le font assez souvent, une fois par an au moins, pour justement entraîner les élèves et tout. Et pour, c'est un truc un peu loufoque on va dire, et une façon d'appliquer le droit à des situations un peu différentes. Et du coup c'est toujours d'un personnage fictif majeur, donc de la pop culture plus ou moins. Et cette année c'était le Queenslayer du coup. Donc voilà, et ils ont tenté de le faire, soit de le condamner, soit de le défendre, pour ses crimes réalisés pendant la fin de la série. Voilà. Du coup, voilà. Ne spoil pas, attention. Hein. Du coup, ça a eu lieu dans l'enceinte de l'établissement, et il y a eu aussi dans la même soirée l'interprète du héros de The End of the Fucking World, Alex Lauper, qui a été présent dans l'amphi pour parler de son rôle dans la série, etc. Donc voilà. Très bien. Et un procès pour Renata avec des mots anglais. Après j'ai pas. Et puis. Après j'ai pas eu le résultat. Enfin j'avoue qu'il n'y a pas eu un article encore qui a suivi on va dire les événements. Donc je sais pas s'il a été jugé coupable ou pas. Est-il mort en prison ou toujours nickel? On ne sait pas. Mais voilà, tout s'est passé du coup hier soir. On lance le hashtag sur Twitter Liberté pour Jon Snow. On sait jamais, ça peut marcher. G-Wolf, ton coup de cœur. Alors. Mon coup de cœur de la semaine, c'est un jeu vidéo du nom de Gridfall. Il est pas extrêmement connu, mais c'est un jeu vidéo qui se passe au XVIIe siècle à peu près en Europe, et le monde est ravagé par une maladie un peu, on va dire ça ressemble à la peste, et tu commences avec un personnage qui essaye de partir dans une terre un peu promise, merveilleuse, pour essayer de trouver un remède à cette maladie, il y a des monstres, c'est un RPG d'action, du coup on peut monter son personnage de différents skills, et honnêtement, il y a des choses qui sont un peu claquées au sol dans le jeu, je vais pas mentir, parce que disons qu'il est moyen, mais il a un certain charme, donc j'ai bien aimé quand même. D'accord, Gridfall. Et c'est sur... Gridfall. Il y a pas une série qui s'appelle pareil ? Aucune idée. Il me semble. Peut-être, c'est possible. Préparation faite à moitié, monsieur. C'est sur PC ? PC. Enfin, j'y joue sur PC. Je sais pas. D'accord. Si c'est sur autre chose. Ah, il a rien cherché. Tu joues sur Steam ? Non. D'accord. Une grosse hésitation quand même. Merci G-Wolf. Il est sur Steam. D'accord, il est sur Steam. Okay. Bon, ben ça au moins c'est une bonne nouvelle. Voilà. Maëlys, est-ce que tu as un coup de cœur ? Oui, c'était dur cette semaine. Je sais toujours pas lequel sortir. Fais-moi un ou deux. Deux. Ok, alors ça va être un studio de pole dance. Ça a aucun rapport avec le geek, mon fou. D'accord, trop bien. C'est ce que je veux. Tu te calmes déjà. Et c'est un studio qu'on peut retrouver, c'est Pole Fiction Studio. On peut le trouver sur Facebook. Et franchement, ils font des vidéos et des photos super classe. Donc Pole Fiction Studio. Ouais. C'est aussi une école de danse du coup. D'accord, très bien. Et écoutez, pour tous ceux qui aiment la pole dance, à noter Pole Fiction Studio à Toulouse. Quelle belle, est-ce que tu as un coup de cœur ou pas ? Alors j'ai oublié de préparer cette partie-là. Donc en ce moment, c'est bon, j'ai réfléchi et je vais dire la bande-annonce de Harley Quinn. Bande-annonce, oui. Qui m'a l'air of Prey. Plutôt pas mal, et je suis une grande fan d'Harley Quinn, et j'ai pas regardé beaucoup de la bande-annonce. Soyons honnêtes, j'aime pas me spoiler même en regardant les bandes-annonces. Mais franchement, c'est le film attendu. T'as fait 5 secondes de la bande-annonce ou... Ouais. Ouais. 5 secondes de la bande-annonce. 5 secondes, ça a tout défoncé. Les gens qui aiment vraiment pas le spoil, quoi. Vraiment pas, moi je suis vraiment... Oh. C'est fou. D-Wolf, on a une question pour toi pour le jeu de Heartbreak. Il demande comment tu appelles le mot, le nom. G-R-2-E-D-F-A-2-L. Donc G-R-W. Très bien. Grid. Voilà. Merci D-Wolf, tu as répondu à l'un de nos spectateurs. Et puis je crois que c'est mon tour maintenant, les coups de cœur. Vas-y. Moi c'est une mini-série qui est passée sur Arte, ça s'appelle Dopamine, et ça explique globalement pourquoi est-ce qu'on a un tel comportement sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher quand on a un moment de libre de checker Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et du coup je vous laisse écouter la bande-annonce. T'es accro à tes applis ? Tous les matins, tu checks Snapchat? Pas de métro sans Candy Crush? Tu ne rates aucun tweet? Instagram est irrésistible? Facebook addictif? T'es accro à Tinder? Tu passes tes nuits sur YouTube? Et tu pètes les plombs quand t'as plus de batterie? T'inquiète pas, c'est normal. Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, Uber, Snapchat, Candy Crush, YouTube, toutes ces applis sont conçues à la base pour capter ton attention et te rendre complètement accro. En activant dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Voilà, ça s'appelle Dopamine et c'est donc disponible sur le site internet de Arte et même sur YouTube. Tous les épisodes. À la toute fin, j'ai pensé quand même au tabac. C'est vrai. C'est fait pour activer la dopamine. Oui, c'est oui. Vrai aussi. Mais voilà, donc du coup, c'est une petite série vachement intéressante, qui est très bien illustrée, très bien montée. On s'ennuie pas, ça dure 7 minutes par épisode. Ah voilà. Oui, c'est petit. Ça va. Oui. Il y en a beaucoup ou ça non, commence à peine? Il y en a 10. Il y en a 10, ouais. Voilà. Et 10, c'est la fin. Donc, donc voilà. Ah oui, ça va. Donc, voilà, c'est vraiment mini-série, mais très bien faite. Et on remercie encore une fois Arte de nous faire ces programmes. Voilà, donc les coups de cœur du web, ça s'arrête ici. Et puis nous, on va passer au jeu Le Qu'est-ce que c'est. Et je vous fais une petite explication d'ailleurs. Le jingle et je vous explique. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant dans Culten Geek. LOL. Le Qu'est-ce que c'est le deuxième jeu de cette émission. Je vous rappelle, l'objectif, c'est de résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un manga, un comics, etc., etc. Cette semaine, d'habitude, j'envoie un petit SMS à toute l'équipe pour leur dire, voilà, machin fait le Qu'est-ce que c'est, pour la polémique, on fait ça et ça, et puis... quand tout à coup. Voilà, tout le monde est dans le groupe SMS. Quand tout à coup... je recrée un groupe SMS pour rajouter donc Kelbel qui est notre invité cette semaine. Et puis j'oublie de rajouter le principal concerné pour le Qu'est-ce que c'est bien sûr G-Wolf qui a donc découvert la polémique au moment où on a lancé la polémique. L'impro c'est mon truc hein, de toute façon. Exactement. Du coup G-Wolf, je m'excuse, je fais mon mea culpa. Je suis prêt pour le Qu'est-ce que c'est quand même. Il aurait pu se rendre compte que t'avais pas envoyé de message quand même hein. Non c'est Gigi. Alors déjà c'est ma faute. Non mais voilà. Déjà c'est ma faute. Je vais pas essayer en plus lui reporter ça sur lui. Bah c'est pas toi qui le fais, c'est bon. Donc heureusement. G-Wolf, écoute, si tu es prêt, on t'écoute. Alors c'est un mec qui crie tout le temps. Personne ne l'aime. Il a mangé un animal bizarre quand il était petit. Et à la fin tout le monde l'aime bien. Et puis il perd un bras aussi. Naruto. Bien joué. Ouais. Oh bravo. C'est quoi qui t'a donné Naruto dans la tête? Le fait que personne ne l'aime bien. Ouais. En plus, je suis en train de me retaper Naruto Shippuden en ce moment, du D'accord. coup voilà. Ah, la chance. Donc personne l'aime bien, il mange un animal, ça je trouve bizarre, tu vois, j'ai pensé soit à One Piece soit à ça. Et après bah le fait qu'il ait perdu un bras, bah effectivement, bah c'est un spoil là pour le coup, mais bon voilà, il perd un bras. Donc voilà. Oh, wow. C'est plus un spoil techniquement puisque tout le monde a déjà vu Naruto pas mal, ou pas Boruto. Mal. Ou Boruto d'ailleurs. Voilà. Boruto. Mais pourquoi il mange un animal? Bah c'est pas qu'il le mange en fait, mais c'est qu'il l'a à l'intérieur de lui, du coup, il a été scellé, mais bon voilà quoi. Putain ouais, non, chapeau. G-Wolf, tu vois? G-Wolf en impro, moi je dis chapeau. Ah mais je suis un professionnel. Arrête de préparer ce que tu veux. Ouais c'est ça, arrête de préparer. Non, à ton moment tu peux continuer, mais c'est quoi les indices? Alors le premier indice c'est il se cache dans les buissons. D'accord. Ah ouais, d'accord. Parce que Konoha, c'est le village caché oui, bah, de la feuille. De la feuille ouais. Le deuxième indice, c'est que... J'ai cherché la bonne formulation. Vas-y. Sans être vulgaire, en fait. Vas-y, lance. C'est pas grave, vas-y. Non, lance. Mais disons que ouvert, on, hein. on lui a fait un toucher rectal. Oui, d'accord, oui, Kakashi. C'est une scène très connue. Tout à fait. Et le dernier, son meilleur ami est un peu sombre. Ouais, tu peux dire Emo là carrément. Je suis d'accord. Bon, d'accord, très bien. On va. Chapeau G-Wolf. Ouais. Franchement, bravo. Et puis bravo Arenata pour avoir trouvé d'un coup. Et puis nous, ben, on passe tout de suite à l'actu web avec toi G-Wolf. What the fuck jusqu'au So cute. C'est l'actu web dans Culten Geek. Et qu'est-ce que tu nous as réservé pour aujourd'hui? Cette fois, tu as eu le temps de le préparer, même si tu n'as pas reçu le SMS. Ouf. Alors. Eh bien écoute, cette semaine, je vais pas mentir, j'ai eu un peu la flemme de parler de la femme qui s'est introduite au défilé de Chanel. Oui. Je sais pas à quoi dire à part m'en fous. Totalement, je suis d'accord avec toi. Du coup, à la place, je parlerai d'un employé de chez Yahoo qui a piraté 6000 comptes de femmes pour fouiner dans leur vie privée et leur voler des données personnelles et intimes, pour ne pas dire nude. Son employeur s'est rendu compte d'activités suspectes et le misérable voyeur a fini par avouer. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison et jusqu'à 250 000 $ de dommages et intérêts envers les victimes. Moralité de l'histoire, si vous voulez voir des femmes dénudées, il y a des sites pour ça. Et ils sont gratuits. Exactement. Maintenant, à l'instant rumeur. Red Dead Redemption 2 sur PC, c'est peut-être pour bientôt. Le studio Rockstar a fait une demande d'enregistrement auprès de l'organisme de classification australien pour un jeu dont le nom évoque beaucoup RDR2, d'autant qu'il a été catégorisé dans Computer Games. C'est la fin de l'instant rumeur. On adore les ragots. Il a été court, c'est cet instant rumeur. Exactement. Effectivement. On en a dit du mal. Même si on en espère du bien. Quoi qu'il en soit, Mario Kart Tour a dépassé les 90 millions de téléchargements en une semaine. Et si vous vous demandez pourquoi les studios se mettaient à faire des jeux de mobile de plus en plus, sachez que MKT a fait rentrer 12,7 millions de dollars dans la pocket de Nintendo. Oh la vache. En une semaine. En une semaine ? Ouais. C'est grâce aux microtransactions et aux passes d'or, je sais pas quoi. D'accord, bah oui. T'as l'air surprise. Bah, ça sert à quoi en fait de dépenser tout ça pour jouer à Mario Kart? Pour avancer plus vite. C'est les trucs de skin, c'est les microtransactions. Et alors? Mais pourquoi dépenser de l'argent sur des trucs de Mario Kart? T'es pas une vraie joueuse. Mais en fait, pas Mario Kart, non, je t'avoue. Non, mais c'est Mario Kart, tu joues avec une. Non, mais dans les jeux, je veux bien acheter des skins et tout, c'est classe, mais là, y a rien de classe. T'as essayé d'y jouer? Non, mais j'ai regardé des images. Ah. Non mais je suis désolé. Vu le retour que tu m'as fait par rapport à tout ce qui était manipulation de la voiture, glissade et tout. Oui, mais ça c'est mon avis. Après, je suis pas le monde. Renata, tu sais, en même temps, c'est simple là. Quand tu doubles quelqu'un, que tu termines premier, que ton personnage apparaît avec un skin spécial, quand même, c'est la classe. Exactement. Tu te la pètes. Tu vois, imagine t'es une licorne rose. Toi t'as payé. Mais après imagine pas que tout le monde a dépensé 40 €. Non, c'est juste 90 millions de téléchargements. Non, 12 millions de dollars. Je comprends bien, mais c'est juste que je t'avoue, je comprends pas trop. C'est les Américains. Surtout qu'il y a des jeux tellement bien, tellement. Voilà. Non mais chacun son avis, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Alors, sans transition, info flash, après avoir dépensé le PIB du Zimbabwe en cristaux sur Summoner's War, Jiraya a enfin invoqué Zeros, héros des éléments. C'est la fin de l'info flash. Oh, c'était tout. J'aime beaucoup cet info flash. Il n'y a pas de souci. Il est court, mais il ne parlera pas à tout le monde, mais il va à l'essentiel. Exactement. Ensuite, l'actrice Robin Malcolm, qui jouait le rôle de Morwen dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, s'est amusée à lancer de l'huile sur le feu de camp des fans de l'univers Tolkien, en sous-entendant que c'est une femme qui pourrait jouer Gandalf dans la série produite par Amazon. Si quelques personnes trouvent ça génial, d'autres avec qui je partage l'avis diront qu'il est plus intéressant pour mettre les femmes en avant au cinéma et à la télé de leur créer des rôles originaux. Plutôt que d'en recycler, pour moi Gandalf ne peut être que grand vieillard à la longue barbe. Ouais. Alors du coup, ouais, même si c'est une femme, est-ce qu'elle aurait une barbe? Je n'en ai aucune idée. J'espère pas pour elle. Mais clairement, hein. Comment elle s'appelle? Sinon là, les femmes à l'honneur et un peu Gandalfette. Gandalfette, ouais, c'est pas mal ça. Maintenant, on en a parlé tout à l'heure un peu, mais l'effet Google Stadia l'effet Google Stadia se fait déjà ressentir. Veuillez redémarrer le système. Ouais, j'ai bugué. Alors, l'effet Google Stadia se fait déjà ressentir parce qu'elle n'est même pas encore sortie, mais la plateforme a poussé Sony à réduire le prix de son catalogue du PS Now. Ouais. L'abonnement est passé de 14,99€ à 9,99€ et l'abonnement mensuel, enfin c'était le mensuel et l'annuel est passé de 99 à 59. Excusez-moi, j'ai mal redémarré l'ordinateur. Ouais, excusez-moi, il y a eu un bug, tout allait bien jusqu'à maintenant. Mais saloperie de mise à jour Windows. D'accord. C'est ça. Et puis en plus de ça, ils proposent maintenant des gros jeux. Il y a God of War qui a été rajouté avec Uncharted. Tout à fait. Mais Google Stadia, c'est un peu... La première offre, la première édition, elle a été vendue à 129€, elle a été épuisée. La deuxième, elle sort avec moins de jeux, mais tu peux quand même l'acheter. C'est quand même à 129€, t'as moins de jeux, t'as moins de trucs, t'as moins t'as des conditions de moins bonne qualité, mais par contre, tu peux toujours l'acheter. Non, mais c'est la force de Google, hein, on te fera acheter de la merde. Ah, et apparemment, il y aurait 31 jeux au lancement, dont Odyssey, Assassin's Creed Odyssey et Destiny 2. Voilà. Et ça sort quand déjà, c'est-à-dire quoi? Ça sort quand déjà, c'est-à-dire mois prochain, je crois, ou mois de novembre. Novembre, je crois. D'accord. Mais voilà, c'est là bientôt, et après en 2020, la forme gratuite. Ça reste le mois prochain, novembre. Oui, effectivement. Hein. Ah, même pardon. Si ça sort en novembre, c'est le mois prochain. Ah, je suis encore au mois dernier. Oh là là. J'ai un deuxième ordinateur bah, novembre, en fait. Et le deuxième aussi, il faut le redémarrer de temps en Allez, temps. On revient sur l'ActuWeb avec toi, G-Wolf. Mais pourquoi revenir? J'ai fini. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il avait dit en plus. Non, j'avais pas entendu le « j'ai fini ». Oui, il avait Très bien. Dit. Bah, écoute, merci beaucoup, G-Wolf, pour toutes ces infos. L'extrait, bien sûr, sera retrouvé directement sur notre chaîne YouTube, puisque désormais, chaque jour à 17h30, vous retrouvez un extrait de l'émission de la semaine passée. Allez vous abonner. Sauf si Rémi s'endort. Et surtout, suivez la chaîne Twitch. C'est oui, ça. Aussi. Allez sur Twitch. La chaîne Twitch aussi, partout. N'hésitez pas à follow. Et puis, tout de suite, on va faire une place à notre chroniqueuse d'un jour. Ah. C'est bien sûr notre chère Kelbel. Alors, comme je n'ai pas préparé de jingle pour toi, je suis désolé. Fais-le avec la bouche. T'abuses. C'est l'instant tech. Attention, un jingle. L'instant tech avec Kelbel. Voilà, c'était très bien. Bonjour Kelbel. Yo. Il y a quand même une nouvelle musique de fond. Ah oui, c'est vrai. Quand même, il y a du budget. Il y a du budget. Ouais, je vois ça. Mais ça tombe bien parce que j'ai préparé un truc lourd. Ah. Pas du tout. En fait, j'ai pas l'habitude d'écrire des chroniques, ce genre de choses. Même mes vidéos, je les écris pas. D'accord. Donc, tu sais, t'es pas obligé. Enfin, fais-nous de l'impro. Il y en a qui le font, mais. Donc, comme une vieille, j'ai pris un papier, un stylo et j'ai essayé de pondre comme un truc. Comme une vieille. Ouais, je vois. Il y en a, ils écrivent sur leur téléphone. Moi, j'ai pris un papier, un stylo. T'as pris un coup de vieux, Renata. Oh. Ah, mais chacun, ça va dans le faire. Hein. Moi, j'ai mon petit cahier, mes petites couleurs, mes petits trucs. Écoute, chacun. Mais c'est le. Bref, moi je voulais vous parler d'un truc un peu tech, du coup, évidemment, c'est le titre de la chronique. Ah oui, donc, comme quoi ça porte bien son nom. Donc alors, on pensait que la guéguerre entre les constructeurs de téléphones pour savoir qui a le plus grand écran était finie? Non. Jamais, les amis. Parce que maintenant, l'écran, il tient sur, allez, 90% de la surface de la face. La surface de la face. C'est vrai ? C'est sorti à peu près, à peu près. Moi j'ai compris quand même, perso, oui, ça non, va. C'est, oui, 90% allez, à peu près. Oui, à peu près, 80%, c'est... allez. Ouais. Après, il y a évidemment le Galaxy Fold, l'écran est encore plus grand, mais Xiaomi, ça dépend comment tu veux le prononcer, il s'est dit, pop, pourquoi s'arrêter là ? Hein ? Ça serait si tellement... On va en faire des tablettes maintenant. Non, même pas, c'est à la taille d'un téléphone, c'est un téléphone. Et Xiaomi te propose un smartphone qui a un écran à 360 degrés. Ah, j'ai vu la bande d'annonce, ouais. En fait, c'est-à-dire qu'il tient... Ton téléphone, c'est un écran. C'est ça, il tient sur 182... Il y a 180%, excusez-moi, j'ai très mal écrit. Comme les vieux, oui. Du téléphone qui est un écran, en fait. Et du coup, moi, c'était pas pour donner un avis, c'est un concept, évidemment, hein, il n'est pas sorti. Mais j'ai pas envie de donner mon avis là-dessus. Je me pose juste la question, pourquoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi sur les côtés on devrait avoir un écran ? Et puis en plus, il y a une barre moche puisque c'est 180%, c'est pas tout le téléphone. J'ai aussi une question, comment tu téléphones avec ? Genre tu le mets, mais tu raccroches en même temps ? Mais je sais pas, il y a tellement de questions qui se posent. Il y a eu un dessin, enfin des croquis qui sont sortis ou pas encore ? Oui, il y a une vidéo, ouais, qui, vidéo qui est sortie, j'ai totalement oublié de t'envoyer les visuels. <C'est pas grave. rire> Attends, permettez-moi, je vais chercher quand même parce que là c'est... Du coup, moi j'en profite, il y a Camélina qui vient de nous follow sur Twitch, merci à toi. Parce que là c'est quand même un petit concept, attends, c'est quoi ? C'est Alpha, Mimix Alpha. Mimix. J'allais non. Ok. Alors. Le téléphone est monstrueux, mais il sert à rien. Je pense. D'accord. Ouais. Je vois un peu mieux là. C'est vraiment. Après, quand tu le charges, apparemment, j'ai vu une photo. Il y a tout le truc qui devient vert au fur et à mesure. Oui. La jauge augmente. Alors après, je vous laisse répondre à la question. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Pourquoi ? Comment ? Combien ? Je suis pas sûre. Surtout, tu peux pas voir genre le devant et le derrière en même temps, quand même. Sur le chat, on y va, vous partez. Ouais, moi, j'ai besoin de votre avis parce que moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il a l'effet waouh, mais pourquoi ? C'est vrai, il a l'effet waouh. Franchement, je l'ai vu, j'étais waouh, mais après, genre, tu le tiens à la main, ça veut dire que tu es en train de toucher l'écran. C'est-à-dire que tu peux activer une application à tout moment avec tes doigts juste parce que tu tiens ton téléphone. Après, t'es en cours, tu veux faire en douce et là tu le prends et le son à fond. Non mais genre... Après, juste en le tenant comme ça, t'actives des trucs. Il y a tout qui est derrière, genre la caméra et tout, derrière l'écran. Ouais, j'ai vu, ouais. Tout ça. Non mais franchement, du coup, moi je me dis jusqu'où ils sont prêts à aller pour se démarquer des autres. Tout, et surtout... Pourquoi ? Quel prix ? Attends, est-ce qu'on va devoir faire un prêt bientôt pour acheter un nouveau téléphone ? Comme Apple. Non, mais oui, j'ai le nouvel Apple et j'ai pas eu besoin de faire de pro. Ah, ça va. Parce que j'ai pas pris le pro. Il faut pas apprendre le pro, c'est une arnaque. Et il était d'occasion de une semaine. Non, même pas. Non, c'est pour ça, il y a plein de questions qui se posent et pour savoir si bientôt un smartphone ça va pas être un objet de luxe qui sera réservé peut-être qu'à une élite, on sait pas. Ah bah, déjà tout à l'heure on parlait de ça toutes les deux, on disait que bah, maintenant même les Huawei, tu vois, qui se disaient abordables on va dire à la base, bah, ça tourne autour des 800 et 900 euros maintenant. Bah oui, pareil, c'est, ça, hein. C'est le même prix que les Galaxy, que les L'iPhone 11 il est à 800. Huawei, ils ont des téléphones vraiment bas de gamme, tu peux l'acheter, non, mais pas de problème. À la base, vraiment, quand ils ont lancé le truc, c'était leur polémique, c'était... leur politique, pardon. Ouais, j'étais en mode, c'est pas logique. Leur politique, c'était le fait que bah, c'était des téléphones abordables de bonne qualité, tu vois, que tu pouvais... Donc maintenant, c'est juste le fait que, bon, il y a le truc bas de gamme, mais aussi, il y a bah, des trucs très, très, très, très, très, très, très chers. Non, mais c'est parce qu'il faut, hein, faut attendre le retour de Nokia. Du grand, exactement, Nokia. Nokia. Moi, je veux voir le 3310 en mode smartphone. Vraiment, le 3310 bis. C'est ça, le 3310 bis. C'est plus un studio, c'est un appart avec un étage. Indestructible smartphone. Lui, pour décharger la batterie, il te faut 200 ans. Moi, franchement, j'attends ça. J'attends ça. Bon, merci beaucoup, Kelbel. Eh ben, merci. Très intéressant. Pour cette première chronique. Ouais. En espérant qu'il y en ait d'autres. Et si tu n'es pas traumatisé, peut-être l'une de nombreuses chroniques. Pourquoi pas, soyons fous. Ah, il te propose de venir. Oui, j'entends ça. C'est payé combien? Zéro. Des croissants. J'accepte. Je confirme. Et un café de temps en temps. C'est ça, exactement. Ouais, après, ça on peut payer en fast-food, si tu veux. Ah, bah c'est encore mieux. Bon, du coup, en attendant de retrouver cet extrait sur YouTube, si vous regardez les extraits uniquement par YouTube, eh bien, on va passer tout de suite à une pause en musique avec le titre de On Lap Everywhere I Go. J'arrive pas à le dire. Everywhere I Go. Voilà. C'est bien. Et puis juste après, vous retrouverez bien sûr le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine. En attendant, une dernière pause en musique dans Cult & Geek. On Lap Everywhere I Go. Into their mind. They never talk about. On Lap avec le titre Everywhere I Go dans Culte & Geek. Merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement 8 sur Twitch à nous regarder. Et il y a Wiftime. Oui, je crois que c'est comme ça. Wiftime. je pense que ce sera un smartphone destiné pour les pays occidentaux. Donc, par rapport à la chronique tech de Kelbel, où on parlait du Xiaomi avec un écran à 180%. C'est bien ça, Kelbel ? Tu peux prendre le micro ? Oui. Oui, très bien. Oui, puisque du coup, elle a changé de place, oui. Elle est passée en régie, donc vous la voyez sur la caméra de la régie. Je suis un électron libre, voilà. Elle en avait marre de nous. Exactement. Ouais, c'est ça, on est trop lourd pour elle, apparemment. Ah, il donc, me gonfle, cela. Le temps que tu t'installes, quelle belle, je lance le jingle pour le top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Culte & Geek. Le top ou flop dans Culte & Geek, c'est le dernier jeu de cette émission et je vous explique les règles. On oppose deux noms de films, de séries, de comics, de mangas, de ce qu'on veut, de youtubeurs, de concepts YouTube, de vidéos, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop en fonction des notes de sens critique. Est-ce que vous êtes prêts ? Quelle belle, tu es prête ? Elle a plus de micro. T'as coupé le micro. Ouais, un petit peu en train en mode vlog. Très bien. Donc du coup, si tout le monde est prêt, G-Wolf, toi aussi? Bien sûr. Ah, je n'avais pas entendu ta voix depuis un petit moment, je m'inquiétais. T'inquiète pas, je suis là. Top départ. Pause, donc. Pose téléphone. Non. M'en l'air. Moi, je ne triche pas. Alors c'est parti. Entre ces deux jeux vidéo, lequel est top? Beyond Two Souls ou Life is Strange? Beyond. Beyond Two Souls. Life is Strange. Life is Strange pour Renata. Quelle belle. On peut reposer la question. J'ai pas suivi. Entre ces jeux vidéo, lequel est top? Beyond Two Souls ou Life is Strange? Life is Strange. Life is Strange. Ah, je vais dire pareil aussi. Et Life is Strange aussi. Il n'y a que donc Maëlys qui a dit Beyond Two Souls. Alors, Beyond Two Souls est noté à 6,7. Life is Strange, 7,7. C'est donc Life is Strange qui est top. C'était obligé. Il est bien. Entre ces deux séries d'horreur, laquelle est flop? The Haunting ou Marianne? Marianne. Laquelle est flop? Oui, j'ai entendu. J'ai jamais entendu Marianne. Marianne, donc. Marianne. Marianne, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau sur Netflix. C'est français. J'ai eu des mauvais Marianne. Retours dessus. Marianne, ouais. Clairement, Marianne. Marianne. Marianne pour tout le monde? Ouais. Très bien, et bien effectivement, Marianne 5,7 et The Haunting 7,6. J'ai eu des très mauvais retours sur Marianne. C'est français. Je regarderai au cas où. On continue avec ces films. Lequel est top? Glass ou Split? Glass, c'est le. En gros, c'est il y a Incassable, Split et Glass, c'est le dernier qui unit tous les deux. De quoi? Glass à l'eau. Non, Glass au chocolat. Je vais répondre en dernier. Tu réponds en dernier, très bien. Glass ou? Glass ou Split? Je connais rien. En flop? Lequel est top? Quel est top? Glass. Je vais dire Split. Glass. Ouais, Glass. Je vais dire Split, moi. Split pour Renata. Plouf plouf, t'en choisis un, j'en choisis un. Moi c'est Split de toute façon. Ah bon, bah alors je prends Glass. Glass est noté à 6,4. Split est noté à 6,8. Non. C'est donc Split qui est top. Bah, il faut parler par-dessus le micro parce que là tu l'as mis en mode sur le côté. Voilà. Est-ce qu'on a gagné? Oui, bien sûr. Et on termine avec entre ces mangas, lequel est flop? GTO, Hunter x Hunter, Bleach, Fairy Tail ou Naruto? Fairy Tail. Fairy Tail. Fairy Tail là pour le coup, je peux pas dire les autres, voilà, c'est pas possible. Oh non, je déteste Fairy Tail. Mais Bleach, il peut pas être pire. Je connais rien en manga. Moi j'aime bien Bleach. Moi j'aime bien Bleach. Bleach ça a marqué plein de gens. Ouais, moi aussi. Fairy Tail, il y a beaucoup de haine en fait. Du coup, je les aime bien. Mais moi j'aime pas Fairy Tail de base. Genre je m'en suis j'aime bien l'univers parce que moi je lisais les tomes. Oui, l'univers j'aime bien aussi, mais l'histoire bon. L'histoire j'aime pas. Je vais prendre une personnalité, je vais dire Bleach. Bleach, très bien. Je l'ai acheté au magasin à côté. Personnalité pas chère. C'est ça. Promo moins 50, t'as vu? C'est ça, exactement. Donc tu as dit, quelle belle? Que je rejoignais tout le monde Fairy Tail. Fairy Tail. Donc Fairy Tail pour G-Wolf, Renata et quelle belle. C'est ça. Regardons ça tout de suite. GTO est noté à 7,8. Hunter x Hunter est noté à 7,5. Naruto, 6,5. Bleach 6,3 et Fairy Tail 5,7. Et voilà. Quand même, non mais il faut abuser après sinon. Mais c'est pas un mauvais anime, ni un mauvais manga. Alors, donc, on n'a pas dit ça, mais juste quand même comparé à tous les autres phénomènes. C'est... Bah, comparé GTO et Fairy Tail, voilà. Voilà. Bon. Okay. J'avoue, j'ai jamais regardé. Et Hunter x Hunter, quand même. Bah, non, tu vois, Hunter x Hunter, moi j'aurais mis 0 parce que j'aime vraiment pas du tout. Mais je quitte cette émission. Salut. À bientôt, G-Wolf. Justement, on va profiter que les places se libèrent pour passer à Renata et l'instant Nippon. C'est l'instant Nippon dans Kulten Geek. L'instant Nippon, c'est avec toi, Renata, bien sûr. Tu aimes le Japon, quelle belle ? Belle transition. J'y connais pas grand-chose, mais j'aime bien. Eh bien, justement, alors ouvre tes esgourdes et laissons place à Renata qui nous conte une histoire du Japon. Alors, aujourd'hui, je vais pas vraiment parler de légende, mais plus de tradition. Donc, j'ai eu l'idée, on va dire, de parler donc, du mariage au Japon. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas beaucoup. Peut-être que vous avez vu dans un anime ou deux, si vous regardez des animes, mais sinon c'est pas beaucoup. C'est ce dont tu nous as parlé un peu tout à l'heure ? En post-prod ? En off, tu veux dire. Mariage ? J'ai parlé de... Ouais, de mariage. De mariage normaux et adoption. Ah, non, pas du tout. Ça, c'est... Non, ça, c'est plus par rapport à tout le côté mariage homosexuel qui n'existe pas du coup au Japon. Et une petite alternative qu'ils ont là-bas, c'est l'adoption, par exemple. Donc, voilà, il y en a un qui adopte l'autre. Et du coup, ils sont quand même sur le même registre de famille. Donc, voilà, c'est une sorte de alternative. Non, c'est un vrai mariage plus classique, on va dire. Alors, donc voilà. Donc déjà, on va commencer. La semaine prochaine, il y aura un quiz là-dessus. Shoganai. Est-ce que tu sais encore ce que ça veut dire? Moi, j'ai oublié, perso. On peut rien y faire. On peut rien y faire, voilà, exactement. Voilà, Rémi l'a sorti en premier, quand même. Ça me fait penser à chaque fois, j'ai chaud au cul, quand même. Shoganai, je sais pas. Bon, on va passer à la suite. Donc, il y aura un petit quiz la semaine prochaine, donc sur les mots que je vais vous donner. Donc déjà, mariage en japonais, c'est kekkon, et miyai, c'est mariage arrangé. Donc, il faut savoir que c'était quelque chose qui était quand même vraiment... Comment dire ? Populaire pendant les années 50, on va dire, au Japon, même avant, enfin, c'était les mariages de convenance en fonction des familles pour unir et pour on va dire gagner de l'importance, du pouvoir, de l'argent, enfin voilà. Mais maintenant, de nos jours, c'est beaucoup moins fréquent, forcément. Après, je vais pas forcément parler des cérémonies à l'occidental qui sont devenues de plus en plus fureur, on va dire, parmi les jeunes couples au Japon. Donc dans des fausses chapelles, parce que eux là-bas ils sont pas chrétiens, ils sont pas catholiques, ils sont rien du tout. Enfin ils ont leur non, ils sont rien vous du tout de notre rien. Non mais de notre culture à nous, ils ont pas ce côté-là. Donc voilà, donc il y avait ce rêve de mariage moderne, mais je vais pas trop en parler, je vais plus parler des cérémonies traditionnelles japonaises. Donc ça suit souvent un peu le même schéma, c'est-à-dire par exemple il y a les cérémonies de fiançailles qui sont vraiment officielles et très très importantes. Donc avec un repas entre les deux familles qui se rencontrent pour la première fois officiellement et qui échangent des cadeaux, etc. pour, on va dire, souhaiter du bonheur, de la prospérité au couple en tant que couple marié. Et ils reçoivent donc deux habits très importants qui porteront pendant la cérémonie. Donc la femme reçoit le obi, donc c'est la petite ceinture qu'elles ont autour du kimono. Pardon, il y a tellement de mots qui reviennent. J'ai entendu le truc. Et l'époux reçoit un hakama, donc c'est le pantalon très large qu'il porte au niveau de son pour truc. Faire du judo. Aussi, mais là, il est différent. Non, c'est vraiment le nom du pantalon qui s'utilise au judo, mais là, il est différent. Donc là, c'est le pantalon traditionnel, voilà. Et 9 autres cadeaux, dont saké, argent, éventail, chanvre, enfin plein de trucs qu'ils reçoivent, voilà. Et après, donc, il y a le mariage Shinto, qui donc c'est le mariage devant les dieux, où c'est basé encore une fois sur le calendrier chinois, en fonction des jours favorables. Ils sont très très croyants là-bas, donc voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'ils étaient rien du tout. Non, mais ils ont leur propre culture, ils n'ont pas du tout notre côté église, etc. Tu vois, c'est ça que je voulais dire. Genre, c'est les fausses chapelles qu'ils. Voilà. Bref, donc ça dure à peu près 30 minutes, la vraie cérémonie, on va dire, qui a lieu dans un sanctuaire. Et en fait, avec des prêtresses, entre guillemets, c'est avec le haut blanc et le pantalon rouge, qu'on voit beaucoup dans les animes comme ça, qui sont consacrés au sanctuaire. Et en fait, donc, il y a tout un cadre vraiment très intime, on va dire, avec juste la famille et les amis, qui se sont, on va dire, sur le long d'un couloir, et le couple, il passe au milieu, habillé donc tout en blanc. La femme avec kimono blanc, qui s'appelle, j'arrive jamais à m'en rappeler, le Shiromuku. Voilà, donc ça s'appelle comme ça, avec un maquillage blanc, les lèvres très rouges, un peu à la geisha. À la Mulan. Oui, si tu veux, mais surtout à la geisha. Mais oui, c'est ça ressemble à Mulan, le Mulan, maquillage qu'elle a. Mulan, ça parle plus. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on peut effectivement utiliser ça comme moyen mémotechnique. Et après, il y a le Sansan Kudo, donc c'est le 3x3, et qui est une étape très importante du mariage, enfin, même si ça prend la plupart du truc, c'est que les prêtresses, du coup, vont verser dans une coupelle rouge du saké, que le marié va boire après s'être incliné 3 fois. Et en fait, ils vont faire ça 3 fois. Donc le marié et la mariée vont faire ça 3 fois. C'est pour symboliser le chiffre 9 qui porte bonheur au Japon. Voilà. Enfin, c'est vraiment des pratiques qui se font depuis le Japon ancestral, donc voilà, qui continuent d'être réalisées. Et voilà, ils font ça pour symboliser le passé, le présent et le futur. D'accord. Voilà. Et bon, après il y a tout le truc échange d'alliance, le prononçage de vœux de la part du marié uniquement, le bizarrement. Prononçage. Voilà. J'invente des mots, hein, tu connais pas. C'est plus clair. Hein. Non, mais. C'est à la mode. Moi, je dis juste, il y a WeFTime sur le chat déjà qui s'est foutu de c'est pas grave. Maïs parce qu'elle avait dit post-prod. Ah. Pour dire off. Ouais, voilà. Ça va. Je travaille pas ici normalement. Ça suffit. Donc, si en plus de ça, on rajoute un prononçage au milieu. C'est pas grave, c'est, bon. On comprend mieux. On comprend mieux. C'est non, qu'est-ce mais que voilà, je dis qui est bon. Qu'est-ce que bref. Je dis qui est bon, ouais. Et la cérémonie est clôturée par le prêtre qui prononce une prière à la fin, voilà. Donc ça c'est un peu la partie. Après il y a eu toute la partie civile avant, donc avec les papiers, etc. Mais ça c'est la cérémonie, on va dire. Renata. Vas-y, vas-y. Le prêtre, il a vraiment le nom de prêtre ou il a un nom spécial? Alors je t'avoue, j'ai pas cherché, mais normalement il a c'est un prêtre, genre qui fait, enfin qui d'accord. se dédie. D'accord. En fait c'est une femme qui est prêtre. Non, prête. Bon, allez. Ouais, wow. Est-ce qu'il y a des questions? Il est 1h30. Moi, je pense la fin de l'instant nippon. Ouais, enfin, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais juste que tu répètes tous les noms japonais parce que tu vas nous dire ça la prochaine fois, j'en suis sûr. Très bien. Le hobby, c'est un sport ou une activité extra voilà. professionnelle. Commence pas à retenir les choses comme ça. Tu vas me sortir la même chose la semaine prochaine. Avec Mulan au milieu. Avec Mulan, donc, qui s'habille en geisha. Avec de la peinture blanche. C'est ça. Est-ce que les jeunes mariés se reçoivent du riz après la chapelle? Demande WeFTime sur le chat. Après, ça dépend. C'est pas une chapelle du coup, non? Bah, dans le mariage à l'occidental, ils reproduisent exactement nos coutumes à nous. Du coup, donc après un mariage, on va dire civil, ils reproduisent exactement donc la robe, donc au contraire aux kimonos blancs et aux couches différentes qui sont portés pendant le mariage traditionnel. D'accord. Donc ils portent les mêmes robes, ils vont dans une chapelle du coup qui ne sert que au faux mariage, enfin ouais. entre guillemets. Et du coup, oui, ils reçoivent aussi le riz à la sortie par les invités, les convives, donc, etc. Donc mariage fait à l'occidental, oui, mais oui. pas en traditionnel. Non, du tout. Précisons que c'est interdit le riz maintenant en France. Hein. Ouais. C'est vrai. Ah bon? On n'a plus le droit de le jeter. Bah, ça fait grossir les. Enfin, ça fait dangereux pour les pigeons. Ouais, voilà, dans ce sens-là. Ça... D'accord. Je savais pas. C'est interdit. On est censé jeter, tu vois, genre des pétales de fleurs. Si vous voulez. Ah bah on apprend. Et si c'est pas biodégradable, il faut le ramasser derrière. C'est ça. T'es heureux. Bon, d'accord, pour la peine, je vais répéter, mais avec des mots en plus, parce que vous n'écoutez pas. Je suis prêt, moi. Si, donc, le mariage au Japon, ça s'appelle Kekkon. Mm-hmm. Le mariage arrangé s'appelle Miai. Mm-hmm. Mm-hmm. La cérémonie de fiançailles s'appelle Nosai Nogi. Mm-hmm. Le cadeau que reçoit la mariée, qu'elle porte autour du ventre, c'est la ceinture kimono, s'appelle le hobi. Mm-hmm. Mm-hmm. Le pantalon traditionnel pour homme s'appelle le hakama. C'est bon, tu suis? J'ai tout oublié. L'étape du mariage 3x3 s'appelle Sansan Kudo. Mm-hmm. Et le kimono blanc de la mariée s'appelle Shiromuke. D'accord. Mm-hmm. Voilà. Tu sais pourquoi on appelle ça Kekkon d'ailleurs? C'est ce qu'on dit à la mariée, mais Kekkon de l'avoir épousée. Voilà. Je l'ai vu dans sa tête qui préparait une flamme. Ça s'entendait. Hein. Je m'attendais, il fallait qu'il y ait un jeu de mots. D'ici, j'entendais les rouages dans son esprit pour que ça me plaît. Voilà. Tellement donc vous savez tout maintenant sur le mariage traditionnel japonais. Merci Renata donc pour cet instant nippon. Vous pouvez bien sûr le réécouter en podcast lorsque ce sera disponible sur nos diffuseurs, mais aussi sur le YouTube. On ne le rappellera jamais assez. Et je tiens à notifier qu'elle décore son cahier à chaque fois. Elle a un nouveau cahier décoré de nouvelles façons. C'est vrai. Mais ouais, enfin, j'essaye à chaque saison de changer, mais je pense que je vais reprendre les anciens, c'est trop du gâchis. Très bien, merci Renata. Et on termine cette émission donc avec, bien sûr, le What the Fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine, c'est bien sûr avec toi Maëlys, et j'ai cru comprendre que la semaine n'était pas forcément au beau fixe. Tu as annoncé que j'avais rien jusqu'à ce matin? Vraiment? Non, j'ai juste dit qu'il n'y avait pas grand chose cette semaine. Je me suis balancée toute seule alors. C'était compliqué à trouver. J'ai eu de l'aide d'un certain monsieur qui se trouve peut-être en face de moi là, qui se retourne. Comment t'as su que c'était la bonne caméra? Je suis un professionnel. Peut-être parce que c'est moi qui parle donc c'est en face. Peut-être. Peut-être parce que j'ai le tweet juste là. Quoi. Ah, peut-être ça aussi. Alors on parlait de l'Amérique tout à l'heure. J'ai donc dans le Michigan quelques petits foufous, genre deux personnes qui ont décidé d'aller taguer un panneau avec une scène pornographique. Ah, reformule, ouais. Oui, s'il te plaît. C'était pas français. Je suis pas sûre d'avoir suivi non plus. Au Michigan, je remets à l'endroit, le téléphone a tourné. Alors, je parle comme une mamie, là, pour le coup. Tu vas y arriver. C'est bon, c'est ça, notre what the fuck. Là, je crois qu'il y a trois ordinateurs qui bug aujourd'hui, là. Vas-y. Je suis le troisième. C'est ça. Allez, courage, on termine ça et on va manger. Alors... Je lis directement parce que personne ne comprend mes phrases à moi. Donc dans le Michigan, on a eu la surprise de découvrir qu'un film pornographique était diffusé sur un panneau publicitaire en ligne pendant 15 ans. Hein ? Deuxième what the fuck. C'est une mamie japonaise. Alors, explique-moi, c'est passé quoi là ? C'était ça apparemment. Alors. C'est... De ce que j'avais compris moi, et en relisant, je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que j'avais compris. Moi, j'avais compris que c'était deux jeunes qui sont allés sur un panneau publicitaire et ils ont tagué une scène porno. Non, ils l'ont hacké pour diffuser. C'est ça ? C'est toi qui l'as trouvé, tu expliqueras mieux que moi. Ah bah, c'est juste qu'ils ont hacké un panneau publicitaire pour diffuser une vidéo porno, c'est tout. Ouais, d'accord, donc j'ai fait un petit mélange. Très bien. Ok, donc. Donc, notre what the fuck, le premier what the fuck, c'est Maëlys qui galère avec son info. Voilà. Le deuxième, c'est une mamie de 89 ans au Japon. D'accord. Qui est une streameuse. Encore. Oh, pas mal. Et elle s'appelle, si vous voulez la voir, c'est Grandma sur YouTube. Grandma, très bien. C'est une streameuse pro, genre ? Je sais pas, j'ai fermé la porte. Tu t'en remets pas de ton erreur, là ? Pour plus d'informations, ce sera donc à retrouver directement sur Twitch et sur le Twitch de cette vieille dame japonaise. On vous partagera son compte. Exactement. On follow en masse. Mais abonnez-vous plutôt à nous. Oui, aussi. Et à Kim Bell aussi. Oui, s'il vous plaît. Twitch. Non. Non ? Et YouTube, par contre. YouTube, ouais. YouTube, c'est ça, exactement. Go YouTube. Du coup, bah écoute, merci beaucoup Maëlys pour la présentation de ces What the Fuck, qui est très marrant d'ailleurs. Un bon moyen de terminer. C'est moi le What the Fuck, en fait, vous avez rien compris. Exactement. On remercie bien sûr nos diffuseurs Radio No Life, Bad Geek, La Vigie Radio, Spotify, iTunes, PodCloud, Play Geek et Geekonomic, le retour. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission en direct, toujours sur Twitch. Et Kael Bell, merci d'être venu avec nous. Merci pour l'invite. Merci. Et puis tu reviens bien sûr quand tu veux. On peut te retrouver sur Facebook. Yes. Sur YouTube. Sur Twitter. Yes. Sur Insta. Yes. Sur YouTube. Principalement sur YouTube, en effet. Principalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller directement là, vous abonner à sa chaîne. Merci. YouTube. Merci Kael Bell, tu reviens quand tu veux. Le Toulouse eSport Concept qui arrive sur le chat et qui dit salut l'équipe, salut à vous les gars. Salut en retard. Salut. Juste à la fin. L'émission, ça s'arrête ici. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Maëlys, Renata, Eddie Wolf. Merci toi. Y a pas de soucis. Salut. Kimono. À ta mère.